Imaginez des allées, des ruelles entourées de murs dévorés de végétation. Non loin, un important monticule, une petite colline de laquelle saillent quelques pierres étonnamment géométriques au cœur d'une jungle touffue et presque inaccessible. Plus besoin de machettes, de pirogues et d'affronter anacondas et araignées géantes pour accéder à ces cités perdues. Désormais, le plan entier de ces villes englouties par le sol ou la nature est accessible et consultable grâce à la technologie LIDAR. On peut également déchiffrer des rouleaux de papyrus millénaires sans les déplier et sonder les urnes funéraires sans les ouvrir. Bienvenue dans l'archéologie du 21e siècle. Archéologie, le sous-sol vu du ciel, c'est le programme non-invasif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour détailler toutes ces nouvelles techniques et technologies au service de l'archéologie et de la connaissance du passé, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Dominique Garcia. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur en archéologie à Aix-Marseille Université et président de l'INRAP, l'Institut National des Recherches Archéologiques Préventives. Et nous sommes en ligne avec Philippe Nondedeo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche CNRS au laboratoire archéologie des Amériques et directeur du programme de fouilles Nashtun dont vous allez nous parler abondamment. Mais on commence par l'actualité scientifique toute récente, pas beaucoup d'archéologie là-dedans. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. C'est le journal des sciences de Natacha Triou. Et on commence par une étude parue dans la revue Nature Communication et la découverte du gène responsable de cancer du sein parmi les plus mortels. Oui, après 8 ans de recherche, une équipe australienne vient d'identifier le kit de survie des cancers du sein les plus dangereux. Les chercheurs se sont d'abord appuyés sur une étude génomique sur des milliers de cancers du sein. Il en existe de nombreuses sous-catégories. Et ils ont identifié un type particulièrement agressif, qui est hormonosensible, résistant au traitement et avec un taux de mortalité très fort. La moitié des femmes en meurent. En analysant une centaine d'échantillons, ils ont découvert que ces cancers agressifs ont des copies supplémentaires d'un gène en particulier. Cet oncogène, ce gène qui cause le cancer, fabrique une protéine à des niveaux plus élevés que la normale, la protéine AAMDC. Alors, lors d'expériences sur des souris, il apparaît que cette protéine déclenche la croissance tumorale et qu'elle peut aussi protéger les cellules cancéreuses contre les traitements. Or, non seulement ce gène représente une nouvelle cible thérapeutique, mais en plus, ces résultats pourraient s'appliquer pour d'autres cancers, puisque l'on trouve cette amplification de cette protéine dans les cancers de l'ovaire, de la prostate et du poumon. Et si vous voulez lire, comme tous les jours, l'étude à l'origine de cette information du Journal des Sciences, eh bien, vous pouvez retrouver le lien direct sur notre fil Twitter, @laméthodefc, ainsi que sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Lundi, donc avant-hier, l'OMS a rendu son rapport sur les origines du SARS-CoV-2 et hier, mardi, donc l'organisation a déclaré que ces données étaient insuffisantes. L'OMS n'a pas dit son dernier mot hier. Son patron a critiqué la Chine et son manque de transparence lors de la visite des experts internationaux cet hiver. La Chine n'a pas donné pleinement accès à ces données, je cite. Alors dans ce rapport présenté lundi, l'hypothèse d'un accident de laboratoire est l'hypothèse la moins probable de toutes. Elle est même qualifiée d'extrêmement improbable. Mais l'organisation a annoncé qu'elle déployait de nouvelles enquêtes à ce sujet. Hier, le 4e vol d'essai de la fusée Starship de la compagnie privée SpaceX d'Elon Musk s'est conclu par un échec. Mais encore raté. Depuis décembre, les lancements des 4 prototypes se sont tous finis en explosion. Hier, la fusée SN11 a atteint les 10 km d'altitude, puis a explosé après 6 minutes de vol. Alors, on ne sait pas encore si elle s'est désintégrée en cours de route ou en touchant le sol. Les transmissions étaient mauvaises. Mais à chaque fois, c'est au moment de la phase finale de l'atterrissage à la verticale que ces essais échouent. Et enfin, une étude parue aujourd'hui dans Proceedings of the Royal Society B décrit le premier robot capable de grimper au mur comme un lézard. Un robot gecko qui est un bel exemple de biomimétisme. Alors pour parvenir à cette prouesse technique, des chercheurs australiens ont dû tout comprendre des capacités et des contraintes structurelles des lézards grimpeurs. Ils ont d'abord filmé des lézards lors de tests d'escalade. Le robot de 24 cm de long imite parfaitement la démarche des reptiles, du mouvement de la colonne vertébrale jusqu'à l'angle des pattes tournées vers l'extérieur. Et pour grimper à la verticale, les chercheurs ont appliqué le principe de boucle d'or, un compromis entre vitesse et stabilité, ni trop vite, ni trop lentement, afin de maintenir son adhérence. Merci beaucoup Natacha, à demain pour le prochain Journal des Sciences. Vous avez peut-être vu récemment ces photos, il faut bien le reconnaître, assez ahurissantes, de la silhouette d'une cité antique se découpant dans des couleurs en général vertes ou brunes sur des reliefs en trois dimensions, image intacte d'une cité qui ne l'est pas moins encore quasiment intégralement enfouie dans la végétation de la jungle, soit au Guatemala ou dans l'état mexicain du Tabasco. Ces images incroyables, ces découvertes virtuelles et pourtant bien réelles ont été rendues possibles par l'utilisation de la technologie LIDAR pour scruter ces zones difficilement accessibles et envahies donc par la jungle. Ce n'est pas pour autant que l'archéologie du XXIe siècle ne va être dorénavant pratiquée que par des pilotes de drones ou des techniciens de matériel de recherche ultra technologique. L'archéologie de terrain reste le point de départ de toute fouille, mais il est indiscutable que la panoplie de l'archéologue s'est assez considérablement technologisée, surtout par rapport à ces outils de la moitié du siècle dernier. Écoutez notre archive du jour, nous sommes dans l'heure de la culture française en 1949. La technique des fouilles préhistoriques ressemble beaucoup à de la dissection. C'est pourquoi les médecins sont souvent de très bons fouilleurs. Un certain nombre de préhistoriens se représentent encore les fouilles de la manière suivante. On creuse des tranchées à la pioche et l'on ramasse tout ce qui se présente d'intéressant. C'est une technique chère aux archéologues qui recherchent de gros murs. Lorsque les terres sont déblayées, tout ce qui a résisté aux terrassiers apparaît et on peut lever le plan des fondations d'un temple. Même pour l'archéologue, c'est un procédé souvent trop sommaire. Pour le préhistorien, c'est un pur désastre. Chez nous encore, de nombreux fouilleurs usent d'une méthode plus scientifique, mais pourtant périmée depuis longtemps à l'étranger. Après avoir fait la tranchée de départ, on gratte les couches, comme sur un front de carrière, en s'efforçant de ne pas mélanger. Ici, une fois de plus, on cherche des objets curieux, alors que le but de la préhistoire est de comprendre comment vivaient les hommes. La technique de l'archéologue est comme celle du médecin, elle est proche de la dissection, nous dit-on dans cette archive de 1949, Dominique Garcia, votre avis à ce propos? La date est bien choisie, 1949, c'est juste avant effectivement un petit bouleversement important dans l'archéologie, qui est l'adoption, mettons, de l'informatique dès les années 1950. C'est la mise au point du carbone 14 qui a permis aussi de dater dans les années 50. Donc on est là, 1949, une période effectivement de rupture. Quant à l'analyse qui est faite là dans cette archive, celle effectivement de l'archéologue qui travaille dans les tranchées, qui touche l'objet, ça reste encore une réalité. Parce qu'effectivement, il y a l'image qui est produite, et aujourd'hui on va parler effectivement du LIDAR ou d'autres techniques, mais aussi le rapport à l'objet, au site, et là, rien ne vaut le terrain, parce que l'espace dans lequel on travaille, c'est avant tout la matrice, et la matrice, c'est la Terre. Philippe Nondedeo, votre avis sur cette archive et sur le fait que, évidemment, beaucoup d'évolutions depuis 1949, mais que l'archéologie a toujours finement suivi et récupéré en fait un certain nombre de découvertes faites par d'autres domaines scientifiques. Ce qui est totalement à ce que dit Dominique, rien ne vaut au départ le contexte pour trouver des éléments, des vestiges, pour analyser, pour reconstruire, restituer une civilisation, une culture, une société ou simplement des gestes de la vie quotidienne. Et toutes les technologies qui vont être utilisées, soit pour comprendre, soit pour analyser les objets, sont là en plus et en complément de la compréhension du terrain. Et ça reste toujours l'élément de base, la compréhension des contextes. Le point de départ, hein, c'est encore une fois et toujours le terrain, la fouille, c'est indispensable, ça reste vraiment juste la première étape de toute découverte ou de tout travail archéologique. Alors ce qu'on va voir peut-être aujourd'hui, c'est que pendant longtemps, ça a été la première étape. Vous découvriez un objet fortuitement, ça a attiré l'archéologue. Un texte évoquait un site dans un secteur, ça attirait l'archéologue. Aujourd'hui, donc, l'archéologue se rendait sur le site autour de l'objet, autour du monument. Grâce aujourd'hui aux nouvelles technologies, on ratisse plus large, on produit une image beaucoup plus large, et à ce moment-là, on va pouvoir cibler l'endroit le plus favorable. Vous parliez de ville enfouie tout à l'heure. Tout n'est pas intéressant dans une ville parce qu'il y a des éléments répétitifs. Si on arrive à voir une image avec une assez belle résolution, on peut à ce moment-là cibler les questionnements et fouiller et donc s'attarder dans des endroits bien précis. Et donc, je crois que ça a inversé aujourd'hui, et vous le disiez bien, c'est pas l'archéologue qui est devenu un hyper technicien, c'est lui qui a su s'allier à des compétences, voire utiliser des produits, des images produites par d'autres, les militaires ou les gens qui exploitent et qui valorisent l'espace. L'imagerie médicale, exactement, la physique des particules, on va discuter d'un certain nombre de technologies qui empruntent à ces domaines. Ce qui est intéressant néanmoins, Philippe Nondedeo, c'est qu'on lit qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'archéologues qui s'appellent en anglais data archéologistes, des archéologues de données. Ça veut dire que c'est une autre profession, c'est une discipline complémentaire, ou est-ce qu'aujourd'hui tout archéologue doit être un data archéologue aussi? C'est quand même un cas extrême là, mais c'est vrai qu'on pourrait avoir une tendance à trouver des archéologues qui ne feraient plus de terrain et se contenteraient d'analyser des bases de données, donc des datasets qui seraient maintenant des banques de données monstrueuses en termes de quantité et qui passeraient leur temps à analyser ces données sans pour autant mettre un pied sur le terrain. Bon, personnellement, c'est pas ma tasse de thé, puisque il faut quand même toujours un retour entre les analyses que l'on peut faire sur ordinateur ou autre, et un retour terrain pour comprendre, pour vraiment recontextualiser les choses, pour les dater, pour comprendre un petit peu leur fonctionnement et les assemblages et la manière dont les choses s'agencent. Dominique Garcia, votre sentiment à ce propos? Bien entendu, et puis dire qu'effectivement il n'y a pas un archéologue, il n'y a pas un idéal type d'archéologue, on n'a pas tous Vive la radio, on n'a pas tous le profil d'Indiana Jones. En revanche, on travaille aujourd'hui sur des terrains qui sont des laboratoires à ciel ouvert. Et donc on travaille en équipe et on peut s'associer dans des compétences de gens qui effectivement gèrent les datas, gèrent les images. Et c'est plutôt ça qu'il faut voir, c'est pas l'archéologue qui s'est transformé, c'est l'archéologue qui s'est associé à des compétences et qui aujourd'hui utilisent d'autres objets. C'est les outils de l'archéologie qui se sont multipliés. Là où l'archéologue naguère s'intéressait à un silex, à un vase, à un monument, aujourd'hui il va étudier un territoire, un espace. Donc son objet d'étude va être bien plus large, et de fait, il va être obligé aujourd'hui de passer de la binoculaire à une vue aérienne, voire satellitaire. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc d'archéologie et de nouvelles technologies pour aider, pour assister, accompagner et développer certainement également le travail des archéologues. Nous en parlons en compagnie de Dominique Garcia et de Philippe Nondedeo. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment bien comprendre et qui est là, et peut-être, et ça fera certainement plaisir à nos auditrices et à nos auditeurs, une petite bascule paradigmatique dans le rapport à l'archéologie, c'est que l'archéologie est avant tout une science destructrice. Or, ces nouvelles technologies vont permettre de réduire l'invasivité, Dominique Garcia. Alors, ce caractère est essentiel parce qu'effectivement, on parle souvent de réitérer une expérience. C'est une démarche scientifique essentielle. Or, en archéologie, le patrimoine n'est pas une denrée renouvelable. Un site archéologique, on va le fouiller une seule fois. L'image est classique. L'archéologue fouille les couches, comme l'archive de 1949. Et chaque couche est une page d'un livre que l'archéologue va déchirer. Ça a été dit et redit, et puis il se doit ensuite de transcrire ce livre. Donc le site n'existera plus, in fine, d'où l'intérêt d'avoir aujourd'hui des images, des moyens de traverser à travers le sol et pouvoir réfléchir, poser clairement les questions et voir intervenir sur le terrain avant que le site ne soit détruit. Philippe Nondedeo, sur cette archéologie comme science invasive ou destructrice? Oui, nécessairement, on est obligé de détruire un petit peu les contextes que l'on va fouiller pour comprendre. Maintenant, on n'est pas obligé non plus de tout fouiller. Et nous, dans nos terrains, on essaie toujours de fouiller qu'une partie des choses, de manière à laisser la possibilité aux générations futures, peut-être avec des techniques et des moyens différents, plus élaborés, d'aller plus en avant dans les analyses, les interprétations et puis la compréhension des contextes. Mais c'est sûr que dans le même temps, on ne peut pas comprendre une civilisation sans gratouiller un petit peu la terre et trouver de la céramique et puis dater les occupations. Oui, et puis détruire, ça ne veut pas dire réduire en poussière ou réduire en cendres. Ça veut dire ouvrir un site, le révéler, éventuellement y donner accès quand il n'est pas trop fragile au grand public. Ça n'est pas qu'un travail de démolition, bien, Dominique Garcia. Bien entendu. Alors le terme de détruire est violent. Hein. C'est comme si on disait que le médecin n'utilise que le scalpel. Non, c'est pas ça. Mais donc il faut diagnostiquer. On recueille des éléments qui sont dans la terre et donc effectivement, in fine, le site ne sera plus là. Ça, c'est quand on a une démarche déjà d'archéologie qu'on appelle programmée, c'est-à-dire avec des fouilles qui correspondent à un programme préétabli. Mais aujourd'hui en France, on pratique, et dans de nombreux pays à l'étranger, on pratique ce qu'on appelle aussi l'archéologie préventive, c'est-à-dire qu'on construit en permanence des routes, des maisons, des collèges, des canals, et à ce moment-là, on est bien obligé d'intervenir, parce que si ce n'est pas l'archéologue qui fouille et qui prélève les éléments, le site sera détruit. C'est ce que fait l'INRAP, c'est la mission de l'INRAP. Notamment l'INRAP, effectivement, établissement public où il y a 2000 personnes chaque jour en France sur le terrain pour sauver le patrimoine par l'étude. Et donc là, eux interviennent, prélèvent, laissent libre le terrain à l'aménageur, mais on recueille l'ensemble des données. Et donc là, effectivement, en plus, on ne pourra plus revenir. Et les questionnements, le choix des sites au départ sur un tracé, mettons le canal Nord-Europe dans lequel on va travailler prochainement sur un espace relativement large dans quelque chose qui va modifier sensiblement l'environnement. Il faut savoir l'endroit précisément où on devra travailler, s'investir pour utiliser l'outil traditionnel de l'archéologue sur un site préhistorique du petit pinceau ou du scalpel. Mais apparemment, il va falloir faire des choix et ces choix, on est obligé aujourd'hui de les faire en travaillant sur une échelle beaucoup plus large. Alors, on va parler de la technologie dont il était question, puisque il y a peut-être, je le disais tout à l'heure dans l'introduction, avez-vous, vous qui nous écoutez, ces images de modélisation de vastes cités, en général en Amérique du Sud, dont la modélisation a été faite en trois dimensions grâce à une technologie. Cette technologie, c'est la technologie LIDAR. C'est celle que vous avez utilisée, Philippe Nondedeo, sur le site de Nashtun, qui est un site un programme de fouilles franco-guatemaltèque au Mexique, hein, c'est bien ça, c'est dans une province mexicaine du Tabasco, c'est cela ? C'est au Guatemala. Au Guatemala, pardon, autant pour moi, je confonds les sites. Autant pour moi, racontez-moi un peu ce que c'est que cette technologie LIDAR, comment on arrive à l'utiliser, pour quelles raisons, qu'est-ce qui la déclenche, et surtout, évidemment, à quoi elle vous sert in fine ? D'accord, c'est une technologie qui a été mise au point et qui s'est petit à petit ouverte à l'archéologie dans les années 2000, mais réellement son essor a commencé dans les années 2010, et donc c'est a une application en zone Maya, donc en Mésoamérique, que ce soit au Guatemala, au Belize, ou au Mexique, ou Honduras. Et c'est une technologie qui consiste en fait à placer un petit boîtier sous un avion qui va voler à basse altitude, en général c'est 600, 650 mètres, d'altitude, et qui va bombarder le sol de centaines de milliers d'impulsions lumineuses, donc de points lumineux, de laser, si vous voulez, par seconde, et sur une tranche qui peut être de 500-600 mètres de large. Et donc votre avion va faire des allers-retours sur une zone qu'il va couvrir et enregistrer ces points. Donc ces points vont être envoyés depuis le boîtier, vont toucher soit un arbre, soit une feuille, soit traverser la canopée et arriver jusqu'au sol, et ensuite rebondir et retourner jusqu'à l'appareil qui va donc mesurer par rapport au temps de déplacement du faisceau lumineux, donc depuis son départ jusqu'à son retour à l'appareil, la distance, et cette distance va être ensuite convertie en points en trois dimensions, donc X, Y, Z, qui va permettre ensuite d'obtenir un nuage de points à partir duquel on va pouvoir reconstituer des modèles numériques. Donc forcément des modèles au départ avec l'ensemble de la végétation, puis de tous les points qui ont touché le sol. Et ensuite, donc par traitement, on va retirer la végétation et avoir uniquement les points qui vont concerner le sol. C'est-à-dire que vous avez au final une radiographie de la surface du sol, donc sans les arbres. Donc ça, c'est vraiment important pour les zones forestière de forêt tropicale d'Amérique centrale, où là on est quand même très gêné par la végétation pour identifier des structures, et ça on ne peut pas le faire si on ne se déplace pas sur le terrain physiquement pour marcher, pour faire des brèches et découvrir, enregistrer les vestiges. Là on a tout qui apparaît à partir d'une image, donc du sol, qui correspond pratiquement à une radiographie des vestiges en surface. C'est ça. En l'occurrence, vous avez scanné, alors je ne sais pas si le mot scanné est tout à fait exact, en fait. Enfin, en tout cas, vous avez imagé une surface tout de même de 140 km², hein, je ne me trompe pas, Philippe Nandedeo ? C'est ça, oui. Ouais. C'est ça, donc on, si vous voulez, et c'est ça qui est révolutionnaire, c'est que dans la région où je travaille, donc c'est une région de forêt tropicale, les sites sont relativement isolés. Dans notre cas, le premier village se trouve à 80 km. Donc nous, on n'a pas de problème d'archéologie préventive. On est sur des zones qui sont complètement inhabitées, désertes. On est juste exposé de temps en temps à la question du pillage archéologique, voire du pillage de bois. Et donc, on n'a pas de problème là de construction qui viendrait détruire des vestiges. Et le lidar est important là pour nous, pour identifier tous ces vestiges qui vont s'offrir à nous. Et par un souci d'économie de moyens, les archéologues jusqu'à présent, et moi y compris, ont travaillé essentiellement au cœur des cités. Voilà. Là où vous avez tous les temples, tous les monuments, etc., les pyramides. Et ont délaissé quand même les zones rurales, les zones résidentielles qui sont rejetées à plusieurs kilomètres du centre de la cité, puisque c'est quand même des zones difficiles d'accès et qui sont éloignées, donc qui ne sont pas des zones, rentables archéologiquement, puisqu'il faut consacrer un temps énorme pour se déplacer, pour aller y travailler, revenir, etc. Donc d'un point de vue logistique, c'est compliqué. Donc ces zones-là étaient des zones très peu étudiées par rapport au cœur des cités. Or là, avec le LIDAR, on a des images qui nous permettent d'associer les cœurs des cités et puis les territoires de subsistance, les arrière-pays, qui vont nous permettre de resituer les choses dans un contexte beaucoup plus large, et notamment les relations entre les centres et les périphéries, c'est-à-dire les cœurs des sites archéologiques, les zones urbaines, et puis les zones rurales, les zones éloignées des grandes cités. C'est ça qui est passionnant finalement avec cette technologie, Philippe Nandedeo, hein, c'est que en fait vous connaissez le LIDAR, pour que ce soit bien clair pour les auditrices et les auditeurs, ne vous a pas permis de découvrir comme ça ex nihilo une cité qui serait sortie de la jungle d'une imagerie un peu au hasard en couvrant un territoire. Vous saviez qu'il y avait quelque chose, mais le LIDAR permet d'étendre le champ de vision et d'avoir du coup une vision non pas juste des monuments d'intérêt entre guillemets, mais vraiment de l'interconnexion et donc finalement de la structure large de cette cité élargie. C'est ça. C'est-à-dire que, pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur, on a travaillé pendant 5 ans sur le site même de Nachtoun, en faisant donc des brèches dans la forêt, en travaillant avec deux archéologues pendant 2 mois par an pour cartographier à peu près 2,5 km² qui correspondent au cœur de la cité et dans lequel on a à peu près recensé 600 structures nouvelles, donc qui ont été cartographiées, précisément décrites, etc. Et là, avec un coup d'avionnette, j'allais dire, on se retrouve avec une zone donc, qui est 70 fois supérieure, donc 140 km², et qui comporte 13 000 structures. Donc là, on a, et c'est ça le problème, si vous voulez, du LIDAR, c'est que on se retrouve d'un coup avec une quantité monumentale de données à gérer, donc des structures à n'en plus finir, qu'il va falloir donc cartographier d'abord sur ordinateur, mais ensuite aller vérifier sur le terrain, les décrire, les dater si possible. Donc c'est un autre travail qui commence, qui va être issu de la technologie LIDAR. Et comme le disait tout à l'heure Dominique, c'est un travail qui va être facilité par le LIDAR, puisque là on va pouvoir prioriser, définir des stratégies de recherche en ayant déjà l'imagerie LIDAR qui nous permet de dire, par rapport à nos objectifs, c'est mieux d'aller fouiller à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Oui, c'est un vrai changement d'échelle, hein, déjà. Et d'une, ensuite, ça vous permet eh bien, de prioriser, d'organiser, d'avoir une vision globale que l'on n'avait pas avant. Un mot, Dominique Garcia, c'est vraiment... On a l'impression, moi, quand je vois ça, ça me rappelle un peu l'histoire de la troisième dimension, c'est-à-dire de monter sur une colline pour voir le grand tableau ou d'avoir un avion qui, d'un seul coup, permet de survoler des zones. On a l'impression qu'on gagne, finalement, finalement une dimension supplémentaire même, dans l'exploration du passé. Effectivement, et c'est même une ardoise magique. Ça a transformé notre vision. Quand on parle aujourd'hui ou quand on voit une image, mettons, des temples d'Angkor, on imagine, donc même on se projette dans les périodes anciennes avec ces temples et la forêt, comme si la forêt était quelque chose d'immuable, comme si elle avait toujours existé. Or, la forêt autour des temples d'Angkor recouvre la ville. Et l'image du lidar permet de dire que l'objet n'est pas le temple, mais la ville. Mmh. Et on retrouve la même chose en France, dans l'Hexagone. On imagine des villes, alors tout le monde peut imaginer Lutèce sous Paris, la ville de Nemosus sous Nîmes ou Lugdunum sous Lyon. En revanche, on n'imagine pas du tout une ville comme celle de Bibracte, dans le Morvan, qui se trouve être une des plus grandes villes du monde gaulois, capitale d'une peuplade importante qui étaient les Éduins, mais dont la ville a été abandonnée après la conquête romaine, au profit de la ville d'Autun. Et ensuite, l'espace a été largement reconquis par la nature avec des forêts. Donc aujourd'hui, on imagine le massif du Morvan comme un espace naturel, comme s'il n'avait jamais bougé. Grâce au lidar et grâce aux fouilles qui sont menées, on a pu retrouver une ville à l'échelle de l'Antiquité. Et donc là, toute la puissance de la technologie qui permet de reconnaître le plan complet de la ville, de reconnaître ensuite les points essentiels pour éventuellement y être fouillé, tout en respectant l'espace naturel, aujourd'hui la forêt du Morvan. Donc on a un choc. On peut à la fois dire on est dans un espace naturel, mais cet espace naturel n'a pas toujours existé, et avant on avait une ville d'ampleur. Mais par exemple, sur Bibracte, Dominique Garcia, qu'est-ce qu'il reste? Parce qu'on imagine que c'est des constructions... Qu'est-ce qu'on aperçoit au lidar? Parce qu'on imagine que c'était des constructions qui sont partiellement en bois, donc il ne doit pas rester grand-chose, que la forêt a tout de même dû reconquérir beaucoup. Je pense par rapport finalement à la Mésoamérique et à ces structures qu'on imagine faites plus en pierre, peut-être à tort d'ailleurs. Ah non, les remparts de Bibracte étaient des remparts massifs de plusieurs mètres d'épaisseur, en bois, mais aussi en pierre. En métal, ces remparts utilisaient également des fossés et autres éléments, même si je suis pas spécialiste de Bibracte spécifiquement. Si cette zone était extrêmement riche et extrêmement puissante, c'est parce qu'on extrayait de l'étain. Donc aujourd'hui, aller voir, mettons, une production d'étain sous la forêt, c'est impossible. Grâce au lidar, on arrive à retrouver les zones d'extraction. Donc on a les raisons de l'implantation de la ville, on a la montée en puissance de la ville, et ensuite on a la cause historique, qui est l'arrivée des Romains, et l'abandon de la ville avec la forêt qui l'organe. C'est aussi un élément qui peut nous faire réfléchir sur ce qu'est une ville, son devenir, voire sa disparition. Donc ces éléments-là sont extrêmement frappants. Autre petit exemple d'utilisation du lidar, à La Réunion récemment, où le ministère de la Culture, et en l'occurrence Jonathan Vidal, a pratiqué le lidar grâce à un hélico, et on a pu retrouver des espaces inédits aussi, où la forêt avait été regagnée, et notamment une installation, une ferme qui avait été mise en place par des religieux, et qui était travaillée par des enfants, donc une sorte de pénitencier pour jeunes enfants, et donc il y avait la volonté d'exploiter un milieu. Cet espace, il y avait une légende, une connaissance du secteur, mais on n'en connaissait pas le plan. Grâce au lidar, on a pu retrouver l'espace de ce pénitencier pour enfants, les espaces agricoles qu'il avait conquis, les chemins, en retirer un plan, et aujourd'hui mettre en place une campagne de préservation de ce lieu grâce au département de la Réunion. Donc voilà, la forêt cache des espaces qui ne sont pas forcément des espaces naturels. Alors ce qui est assez intéressant et ce qu'on comprend dans ce que vous nous dites l'un et l'autre, c'est que ce lidar, ça permet finalement de sortir de l'infrastructure exceptionnelle pour s'intéresser encore une fois à l'infrastructure dans son intégralité, c'est-à-dire à faire de la ville un objet, c'est ce que vous disiez tout à l'heure Dominique Garcia. Mais alors la question que je me pose, Philippe Nondedeo, c'est que le lidar, c'est une technologie qui a un certain coût. Quand est-ce qu'on déclenche une observation lidar et sur quelle surface? Qu'est-ce qui guide finalement à un moment donné les archéologues dans leur cartographie lidar d'un territoire, compte tenu une fois de plus du coût dont vous pouvez d'ailleurs peut-être nous parler de l'utilisation de cette technologie? Ah oui, comme toujours, l'argent est le nerf de la guerre en archéologie. Et... Oui, pas que d'ailleurs. Oui. Pas uniquement. Mais c'est sûr que dans nos carrières, en plus avec une précarisation qui est de plus en plus forte, l'argent reste quand même l'élément principal de déclencheur et décisionnaire des travaux, des analyses, et puis surtout des surfaces, puisque là, quand il s'agit de LIDAR, ce qui va compter prioritairement, ça va être à la fois la zone que vous allez vouloir couvrir, d'une part, et puis la résolution, c'est-à-dire, si je reviens à mon explication du début, dans ce petit boîtier, vous avez donc des points qui vont être bombardés, donc des impulsions lumineuses, et vous pouvez envoyer 1, 2, 3 points au mètre carré, comme vous pouvez envoyer 10, 15, 20 points au mètre carré. Donc forcément, tous ces points qui vont retourner vont être beaucoup plus précis, vont vous donner une image beaucoup plus précise, puisque si vous avez 20 points du sol au mètre carré, c'est pas comme si vous en aviez un. Donc là, ce qui va guider aussi l'archéologue, ça va être à la fois la surface couverte et puis la qualité et de la résolution en fonction du nombre de points au mètre carré. Et ce sont des technologies qui coûtent effectivement plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui ont tendance, heureusement pour nous, à se démocratiser, c'est-à-dire à connaître une réduction des coûts et à être de plus en plus abordables au projet. Alors, vous avez des projets qui vont faire un LIDAR essentiellement sur l'emprise du site, donc quelques kilomètres carrés. Et puis d'autres qui ont un peu plus de moyens, qui vont essayer de couvrir beaucoup plus large, c'est-à-dire à la fois le cœur des cités et puis les périphéries. Un mot peut-être là-dessus de Dominique Garcia sur ce qui va à un moment donné emporter la décision d'avoir recours à de faire une le coup. Moi, je connais de trop rares exemples où l'archéologue a choisi de mettre en place le LIDAR. En revanche, l'archéologue est un bon recycleur et donc notamment les collectivités territoriales aujourd'hui ont besoin aussi d'images pour gérer l'espace, pour avoir une bonne connaissance. On parle aujourd'hui beaucoup des inondations, des problèmes des gestions de sol. Donc aujourd'hui, l'itariste et puis l'archéologue va se saisir de cette image pour en exploiter les données. Et sur l'élément d'économie, il faut savoir aussi que ça permet de faire des choix, comme on l'a dit à l'archéologue, donc des choix sur le terrain, des choix de temps. Donc je pense qu'actuellement, c'est une méthode qui est rentable. C'est pas pyrotechnique et c'est pas une dépense d'argent de trop. Alors vraiment la question pénible, je vais vous poser juste une question pénible rapidement, Philippe Dandedeo, pour les 140 km² de cartographie LIDAR du site de Nachtoun, on vous a présenté une facture pour qu'on ait un ordre de grandeur en fait, juste peut-être pas au centime près, mais pour savoir à peu près. Je serais incapable de vous dire. Je serais incapable de vous dire parce que tout simplement que en fait c'est une fondation qui nous finance, qui finance donc une partie des fouilles, qui a décidé de mettre en place tout un programme de couverture LIDAR de la région où je travaille, donc qui est une réserve de biosphère Maya, donc qui fait à peu près environ 10 000 km², et donc cette fondation a décidé de couvrir environ 2 000 km² et donc de consacrer environ 140 km² au secteur de Nachtoun. Et donc quand on m'a proposé donc cette couverture, c'est moi qui ai dessiné en fait l'emprise pour dire voilà, nous ce qu'on veut c'est le site au milieu et ensuite toute la zone de l'arrière-pays tout autour, de manière à avoir une vision un peu panoramique du site dans son contexte résidentiel, contexte de zone rurale attenante. Mais si vous voulez, les prix qui ont été négociés dans les années 2015-2016 ne sont plus du tout les mêmes que ceux qui sont négociés actuellement. Et donc là, on va avoir une nouvelle couverture LIDAR de à peu près 800 km² qui vont arriver donc dans les semaines qui viennent, qui vont compléter la première couverture et qui ont été négociés des tarifs bien moindres, mais ça se chiffre là, puisqu'on parle de quand même plusieurs milliers de kilomètres carrés en centaines de milliers d'euros. On va continuer à parler de ces nouvelles technologies au service de l'archéologie. Vous allez voir qu'il n'y a pas que le LIDAR, il y a plein d'autres technologies, des technologies géophysiques, de la modélisation aussi, puisque une fois qu'on a ces données, il faut construire ces cartographies en trois dimensions. Ce sera dans un instant. Step Away de Seldon Colin à 16h35 sur France Culture. Nous parlons d'archéologie et de technologie, d'outils technologiques au service de cette archéologie du 21e siècle. Nous en parlons avec Dominique Garcia, qui est professeur en archéologie à Aix-Marseille Université et président de l'INRAP, et Philippe Nondedeo, qui est chargé de recherche CNRS au laboratoire Archéologie des Amériques et directeur du programme de fouilles de Nashtoun. Eh bien, on parlait tout à l'heure d'imagerie, de LIDAR. Qui dit imagerie dit modélisation, et ça tombe bien, c'est le thème de la recherche Montrome. Avec aujourd'hui Ségolène Delamarque, nous avons le plaisir d'accueillir. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur la modélisation 3D appliquée à l'archéologie, objectifs, enjeux et contexte d'utilisation du terrain à la réalité virtuelle. Vous êtes en deuxième année de thèse en co-tutelle avec l'Université Paris 1 et la société Digitage. C'est à vous, on vous écoute. Oui, merci. Alors, comme vous le savez, depuis une vingtaine d'années maintenant, ces méthodes de numérisation 3D sont de plus en plus couramment utilisées en archéologie et plus largement dans le domaine du patrimoine culturel. Ce sont des technologies qui sont également très appréciées par le grand public. Je pense notamment aux musées dans lesquels on peut trouver des visites virtuelles ou encore des restitutions 3D de monuments ou d'artefacts partiellement détruits, par exemple. Donc, ma thèse porte sur l'utilisation de ces technologies en archéologie et je m'intéresse plus particulièrement à l'adéquation entre les objectifs de la recherche archéologique et le contexte d'utilisation des modèles 3D. Donc, pour faire simple, à quoi peut servir la 3D en archéologie et surtout, comment bien s'en servir? Aujourd'hui, de plus en plus d'archéologues font ou font faire de la 3D sur leur chantier, mais bien souvent, il n'existe pas encore de ligne directrice sur, d'une part, la méthodologie d'acquisition des données sur le terrain et d'autre part sur les nombreuses applications des modèles 3D pour la recherche en elle-même. Beaucoup d'entre eux sont d'ailleurs encore autodidactes et appliquent, en fait, chacun applique sa méthode personnelle. Ce sont des enseignements qui sont très récents dans les universités. Par ailleurs, ces modèles sont souvent utilisés seulement pour leur côté esthétique. Or, ils peuvent être utilisés comme support d'études. Donc, je vais donner ici quelques exemples. Donc, par exemple, la visualisation ou la manipulation d'objets fragiles ou volumineux, la réalisation de relevés rapides et précis, la possibilité de traiter les données de manière quantitative, autrement dit pour faire des mesures ou des calculs de volume, pour faire des simulations, par exemple des simulations de restitution architecturale. Ils peuvent être aussi utilisés pour la communication ou le partage des données à distance. Donc, c'est un enjeu qui est de plus en plus important dans notre monde actuel, comme vous pouvez le voir. Et c'est aussi, la 3D peut aussi servir à archiver, à conserver virtuellement les vestiges pour les générations futures. Alors, mes recherches s'articulent en trois axes majeurs. Le premier axe consistera à faire un bilan sur l'état actuel de l'utilisation de ces technologies en archéologie, notamment à travers les publications existantes. Pour mon deuxième axe, je mènerai une enquête auprès des professionnels de l'archéologie, une enquête qui portera sur les usages de la 3D et leurs évolutions futures, que ce soit dans les institutions publiques ou privées de l'archéologie. Puis un troisième axe qui s'effectuera essentiellement sur le terrain archéologique, pour lequel je proposerai un ou plusieurs scénarios de production de modèles 3D, que ce soit pour l'étape d'acquisition de données 3D, pour l'étape d'utilisation des modèles 3D jusqu'à la reconstitution en réalité virtuelle des artefacts ou des vestiges architecturaux. Donc, il existe plusieurs méthodes d'acquisition aujourd'hui, notamment la plus utilisée actuellement en archéologie, c'est la photogrammétrie. Donc, c'est une technique de calcul basée sur la photographie qu'on peut faire avec un simple appareil photo ou alors par drone. Mais il existe aussi d'autres technologies. Donc, vous entendez parler de LIDAR, ça en fait partie. Mais aussi la latérogrammétrie qui utilise le scanner laser. Donc l'objectif, c'est de choisir la méthode la plus adaptée aux besoins et aux problématiques établies en amont du chantier. Donc voilà, pour résumer rapidement, mes recherches tendent vers l'optimisation de la production et de l'utilisation de la 3D en archéologie, avec, à terme, l'idée d'élaborer un guide ou, si vous préférez, un manuel qui rassemblerait les bonnes pratiques pour l'utilisation de ces méthodes. Merci beaucoup, Ségolène Delamarre. Je m'excuse auprès de nos auditrices et nos auditeurs parce que c'est vrai que la qualité sonore était un peu difficile et pas très très agréable. Peut-être si on a malgré tout bien compris hein, les enjeux de votre recherche, et notamment d'accompagner et d'aider à la prise de décision du choix des technologies pour un chantier. Qu'est-ce qui préside et quels sont les outils ou les informations dans les mains de l'archéologue à un moment donné pour déclencher l'utilisation finalement d'une technologie particulière. On a parlé du lidar, mais il y a bien d'autres technologies qu'on appelle géophysique, notamment Dominique Garcia. Alors effectivement, aujourd'hui, on utilise les éléments évoqués par ma collègue, clairement, et puis notamment d'autres comme la géophysique ou la géoradar, qui permet effectivement d'avoir une image à une échelle beaucoup plus réduite. Alors je peux donner quelques exemples. On a tous en tête le drame Notre-Dame de Paris, la cathédrale incendiée, la volonté de reconstruire et de restaurer. Mais en fin de compte, on connaît très peu ce bâtiment parce que c'est un bâtiment figé depuis le Moyen-Âge. C'est pas un lieu de culte avant d'être un lieu archéologique. Or aujourd'hui, le chantier de la Notre-Dame nous permet aussi de réfléchir et d'utiliser de nouvelles technologies. Un, parce qu'il y a un danger d'aller directement dans le site. Donc le fait de pouvoir circuler avec des drones, de pouvoir faire des relevés, c'est un apport aussi. On voit qu'on a des difficultés à se rendre et à circuler. Ensuite, on va construire, aménager, restaurer des parties de Notre-Dame. Et c'est important d'avoir des images en sous-sol pour savoir si on pourra les sols pourront supporter des points importants, mais aussi pour avoir une image des niveaux anciens. Et donc là, la géophysique a été mise en œuvre par l'INRAP pour essayer d'avoir une image ancienne de ce secteur-là. Et alors justement, avec quel type de technologie aujourd'hui on peut scruter les entrailles de Notre-Dame, ou en tout cas avoir une image, parce que c'est aussi ça que vous cherchez, avoir une image de l'ancien Paris, de ce qu'il y avait avant ou de ce qui a pu rester sous Notre-Dame, ce que Notre-Dame a enfoui en quelque sorte. Alors le géoradar et le géophysique permettent donc, en envoyant notamment des résistants d'électricité dans le sous-sol, on voit le niveau de résistance et on arrive à retrouver une image qui nous permet notamment de dessiner des alignements de murs. Donc ça, c'est des pratiques aujourd'hui en usage depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, qui aujourd'hui sont beaucoup plus faciles de mise en œuvre et qui nous permettent donc, sans la présence d'un archéologue, sans fouiller, d'avoir une image supplémentaire du sous-sol. Et donc de remplir, d'avoir des données pour le cahier des charges au niveau de la restauration, mais aussi de fournir effectivement des informations sur la période antérieure à la cathédrale. C'est des éléments qui sont pratiqués aujourd'hui de manière courante. On veut, mettons, aménager une aire d'autoroute ou un parking. On va faire de la géophysique, on va avoir une image dans le sous-sol. Ça peut éventuellement guider l'aménageur en lui disant « dans ce secteur-là, il n'y a rien ou c'est détruit ». On peut aménager en priorité. Dans ce secteur-là, il y a des vestiges archéologiques. Il faudra peut-être les fouiller. Dans la géophysique, hein, vous l'évoquiez, il y a plusieurs types de méthodes. Il y a une méthode électrique. On ne cherche pas la même chose et ça ne renvoie pas le même type d'informations. Non. C'est-à-dire que la méthode électrique va plutôt renvoyer des informations sur la nature du sol. Oui, et sur les niveaux de résistance, notamment pour les murs, qui vont apparaître de manière claire. Le radar sera beaucoup plus précis et permettra d'avoir des images peut-être plus en profondeur. Mm-hmm. Le radar peut aussi donner une idée de l'eau, de la présence d'eau. Bien entendu, ou éventuellement pour des éléments de magnétiques ou autres, retrouver les espaces de four et autres. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on produit des images en quantité et qu'ensuite, bien entendu, le travail, comme le disait tout à l'heure Philippe, c'est l'interprétation et aller voir dans le sous-sol. À la limite, une image qui n'étonnerait pas, qui correspondrait à ce qu'on a, et n'a peu d'intérêt. On le parlait tout à l'heure pour la ville, si c'est répétitif, on n'est pas dans l'histoire, on est dans quelque chose qu'on avait déjà en tête. Or, l'archéologue ira chercher l'endroit où il y a une petite faille, l'endroit où effectivement on n'aura pas compris, l'endroit où il faudra se concentrer pour fouiller et retirer les informations. Philippe Nondedéo, sur ces différentes techniques d'imagerie et justement ce qui, à un moment donné, vous, en tant qu'archéologue, va vous inciter à utiliser telle ou telle sorte de technique. Oui, alors, en fait, il faut bien avoir à l'esprit que l'archéologue a à sa disposition maintenant tout un panel de techniques qui est très, très large et qui va être adapté à chaque situation, chaque contexte. Donc, par exemple, pour nous, en forêt tropicale, où on a une épaisseur de sol qui n'est pas forcément très importante, les techniques géoradar et tout ce qui est géophysique n'ont pas forcément donné beaucoup de résultats et ont révélé, par exemple, des anomalies de partout. Étant donné que on a des pierres un peu partout et on, ce type de technique est utilisé essentiellement dans les zones plutôt sableuses où le radar va pénétrer ou voir les impulsions électriques vont pénétrer et vont pouvoir mettre en évidence des amoncellements de pierres qui vont signifier des murs, qui vont signifier des constructions dans un milieu qui va rester sableux. Donc là, oui, la géophysique sera utile. Pour les zones comme la zone Maya, on n'utilise pas cette technique. En revanche, on utilise tout ce qui a été décrit tout à l'heure par l'intervenante, c'est-à-dire tout ce qui va être modélisation 3D, donc ça peut être pour reconstituer une cité. Donc ça, on le fait maintenant de plus en plus pour donner à comprendre aux gens, au public, voire parfois même aux chercheurs, l'agencement d'une cité, quelque chose qui n'est pas faisable puisqu'on a la végétation de partout et que l'on va fouiller des endroits bien précis, bien délimités, bien circonscrits et non pas faire des capages géants pour maintenir l'espace forestier dans lequel on travaille. Donc là, ces restitutions 3D sont très importantes. Et puis, il y a aussi tout ce travail de laser qu'on va utiliser. Et donc là aussi, comme elle le mentionnait, différents types de lasers suivant que l'on veut scanner un monument, un édifice, par exemple, qui va avoir des éléments de décor en stuc. Et là, on va utiliser un type de laser qui va être plutôt du domaine de l'architecture. Et puis, d'autres types de lasers qui vont être utilisés pour, cette fois-ci, scanner les inscriptions sur les pierres. Des inscriptions qui sont souvent très érodées, puisqu'on a affaire à une pierre calcaire, donc qui est très, très friable et qui se dissout avec le gaz carbonique dans les pluies. Et donc, on a besoin d'avoir ces scanners laser qui vont enregistrer donc toutes les imperfections des pierres, pratiquement à l'échelle du micron, et on va pouvoir, comme ça, ensuite, en laboratoire, retravailler sur ces inscriptions et essayer de comprendre, en fonction des modèles de destruction des pierres, quels étaient les glyphes, c'est-à-dire les hiéroglyphes qui étaient présents dans les inscriptions pour essayer de reconstituer les textes qui aujourd'hui sont disparus et qui ne sont pas visibles et compréhensibles à l'œil nu. Alors justement, parce qu'on parle beaucoup depuis le début de cette émission d'outils technologiques qui permettent de scanner ou de modéliser à très grande échelle, eh bien l'archéologie, ce n'est pas que travailler sur des cités entières, c'est aussi travailler sur des vestiges, sur des objets, sur des artefacts, et c'est pour ça que nous allons nous rendre immédiatement au musée du Louvre où Alexandre Morales et Céline Lausanne se sont rendus, les chanceux, hein, parce que le musée du Louvre, bon bref, on va pas parler des musées, on va pas parler des sujets qui fâchent tout de suite, mais en tout cas c'était pour le travail, puisque vous y avez rencontré les experts du centre de recherche et de restauration des musées de France qui emploient des techniques de pointe, puisqu'il y a même un accélérateur de particules au Louvre. Bonjour Céline. Bonjour Nicolas. Oui, ce centre héberge des laboratoires dans les sous-sols du Louvre et notamment un accélérateur de particules du nom de New Aglae. C'est un accélérateur classique qui utilise des rayonnements de protons pour sonder la matière. Ina Reich, directrice de recherche au CNRS, et Quentin Lemasson, ingénieur agréé, ont étudié un buste en cire du nom de la Flora, longtemps attribué à la création de Léonard de Vinci, pour sa ressemblance troublante à sa technique et à son style. Mais les scientifiques, contrairement aux archéologues, étaient de plus en plus sceptiques sur cette assertion. Ils ont donc voulu procéder à des analyses chimiques plus poussées. Problème, la cire composant le buste n'est pas d'abeille, mais d'origine marine. Or, les tissus marins échappent aux méthodes de datation classiques, au carbone 14. Il a donc fallu développer des nouvelles méthodes de mesure pour arriver à dater plus fiablement. Résultat, il semblerait que l'œuvre date non pas de la Renaissance, mais du 19e siècle, ce qui exclut finalement l'idée que cette œuvre soit de Léonard de Vinci. En fait, ce buste en cire, il ressemblait beaucoup aux peintures, aux femmes représentées par Léonard sur les tableaux. Et là, c'est en gros un objet, une sculpture avec un visage qui rappelle beaucoup les visages de Léonard de Vinci. Et ce buste-là, il s'appelle la Flora. Et donc, ce buste rappelle beaucoup ces peintures-là. Alors, ce buste, il n'est pas là ici physiquement, il est à Berlin. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez pu faire comme analyse ici, avec quel type de technique et pour répondre à quelles questions ? Donc ici à Paris, nous pouvons faire des analyses plus fines. Donc on regarde la composition de la cire à l'échelle des éléments traces. Et ainsi, donc, on a pu avoir des prélèvements que nous avons en fait étudiés à l'accélérateur de particules pour la composition chimique. Souvent dans la cire, il y a d'autres matériaux associés, par exemple du plan-plan, des pigments, pour opacifier la cire. Et donc, on voulait voir s'il y a d'autres composés rajoutés à la cire qui peuvent nous renseigner si c'est des matériaux utilisés à l'époque ou si c'est des matériaux modernes. Et en plus, ici, on travaille en collaboration avec un laboratoire à Gif-sur-Yvette, le LMC-14, de datation carbone 14. Et donc, avec ces mêmes échantillons, on pouvait faire une datation directe de la cire pour savoir si la cire a été date de la Renaissance. Donc ici, on est vraiment dans le laboratoire, mais côté analyse, où il y a tous les écrans qui font l'acquisition des enregistrements en cours. De l'autre côté, il y a GLAE, l'accélérateur, qui est en train de processer. Oui, c'est ça. Oui. En fait, ici, c'est la salle de contrôle de l'accélérateur de particules. Ben, on peut aller de l'autre côté, comme ça, je vous montre le montage expérimental. Donc, il y a un accélérateur qui produit des protons accélérés de 3 MeV, 3 millions d'électronvolts. Donc, il y a une ligne tout sous vide et le faisceau, on parle d'un faisceau de protons, il est dirigé là, ça c'est l'accélérateur. Là. Pour bien comprendre, il faut se dire que les petits échantillons sont placés vraiment en bout de ligne. Oui, c'est ça. Nous, comme on travaille sur les objets du quaternaire qu'on ne peut pas mettre sous vide, on positionne les objets devant la sortie du faisceau. L'interaction du faisceau de protons avec les matériaux produits des rayons X, des rayons gamma, qu'on utilise après nous pour identifier la composition chimique des éléments majeurs aux éléments traces. Et pour le carbone 14, c'est un accélérateur un peu similaire. Donc c'est le même accélérateur qui peut analyser de différentes façons le carbone 14 ou... C'est quand même en fait un principe au carbone 14. On modifie en fait souvent, on produit à partir de la matière qu'on veut dater, on produit un gaz de CO2. Et après ce gaz, il est injecté dans l'accélérateur, il est accéléré. Et après, il y a un spectromètre de masse qui compte. Et en fait, l'idée c'est que les particules vont ioniser un peu la matière. Ça va ensuite, les atomes vont se réorganiser pour émettre un rayon X. Et chaque rayonnement X, en fait, a une énergie très particulière qui est liée à l'élément qu'on recherche. Et en fait, ça donne des spectres avec des pics qui sont en fait caractéristiques de chaque élément. Et le gros avantage d'un accélérateur de particules, c'est en fait de pouvoir avoir des quantifications de l'ordre de ppm, donc ce qu'on appelle des parties par million. Donc une partie par million, c'est un atome parmi un million. Donc à peu près, c'est 0,00001%. Mais quels sont les éléments d'intérêt? On a parlé du blanc de plomb. Ouais. Qu'est-ce que les graphes nous indiquent par rapport à l'analyse de l'échantillon? Ben en fait, là, dans le cas de la cire, il y avait essentiellement en fait un pic de l'élément plomb qui est présent. Parce que les autres éléments, c'est du carbone, l'azote, l'oxygène, sont invisibles avec cette méthode-là. Et donc, avec d'autres analyses complémentaires, nous avons pu mettre en évidence l'ajout de blanc de plomb dans cette cire. Et il y a une collègue à Gif-sur-Yvette, Lucie Beck, dans son laboratoire, elle a mis au point une nouvelle méthode de datation, une méthode pour dater le carbonate contenu dans le blanc de plomb. Mais en fait, après, on s'est rendu compte avec d'autres analyses, c'est un peu compliqué, mais que la cire, en fait, c'est pas la cire d'abeille. Normalement, c'est la cire d'abeille qui est utilisée pour les objets du patrimoine. Au 19e, il y a une autre cire, un autre type de cire qui est apparu. En fait, c'est une cire qu'on produit à partir des baleines. De la graisse de baleine? Non, c'est pas la graisse de baleine, c'est une matière qui s'appelle spermacétique, qui a été récupérée dans la tête des baleines, oui. Et ça a été très, très utilisé parce que la baleine a été exploitée presque d'une façon industrielle depuis le 19e siècle. Et quand on date des matériaux qui viennent de la mer, le carbone 14 est un peu faussé. Et là-dessus, on a mis en place une méthode de calibration des datations carbone 14. Et cette même calibration, on a appliqué ça aux dates obtenues sur la cire du buste de Berlin. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, toutes les dates tombaient au 19e siècle, et ce qui montre que malheureusement, on peut exclure une production à la Renaissance et on peut exclure aussi l'attribution à Léonard de Vinci. Voilà, dans les entrailles du Louvre, à défaut d'aller visiter le musée, vous pouvez savoir eh bien comment on s'occupe, comment on restaure et comment on apprend bien toutes ces informations sur ces pièces archéologiques à partir eh bien grâce à ces technologies et notamment grâce à cet accélérateur de particules. On a très très très peu de temps, mais néanmoins un mot peut-être de conclusion, Dominique Garcia, sur aujourd'hui toutes ces techniques non invasives qui permettent d'avoir accès, voire de lire, de déchiffrer des manuscrits en très très mauvais état. On arrive même à lire à l'intérieur des rouleaux sans les déplier. La tomodensitométrie permet notamment, grâce effectivement à la scanographie et des rayons X, d'avoir une image à l'intérieur. Alors effectivement, sur les manuscrits, on est aussi sur les urnes funéraires qui peuvent contenir des restes. Donc en fin de compte, l'archéologue peut presque pratiquer une fouille virtuelle sans avoir à toucher les objets grâce à cette image qui permet de voir ce que contient éventuellement cette urne ou de lire le texte sur un rouleau. C'est un enjeu, des endroits où on ne peut pas accéder. De lire les textes, et on peut même aujourd'hui compléter les textes grâce à l'intelligence artificielle quand il manque des morceaux. Finalement, ça mériterait peut-être presque une deuxième émission sur, après l'archéologie des cités, des grands espaces, les nouvelles technologies pour étudier les petites pièces et notamment également les restes humains. Je pense qu'on va y revenir un jour prochain. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Dominique Garcia. Merci beaucoup, Nicolas. Merci Philippe Nondédéo d'avoir été avec nous pour nous parler de vos travaux et de vos recherches. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Alexandre Morales, Céline Lozen, Éléonore Pérez, Natacha Triou, Noémie Neguet-Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, Élise Leu à la technique. Demain, nous nous interrogerons sur un récent rapport qui voit la place de la recherche française en chute libre, vraiment dans les classements internationaux. À l'heure d'une loi de programmation de la recherche, est-il encore temps de sauver la recherche française? C'est la question que nous nous poserons demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.